إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبفضل الله تعالى بنعمه الكثيرة التي لا تحصى. La dernière fois, nous avons pu, biznillah ta'ala, faire un léger commentaire sur des causes menant à l'apostasie, ou li'azubillah, qui nous font sortir de l'islam. Des causes, certaines causes. Car elles sont bien plus nombreuses, taïeb, bien plus nombreuses que celles citées, mais celles citées parmi les, peut-être les plus répandues. Et après cela, bien évidemment, une fois que le mal était connu, il faut montrer le bien qui va à son encontre. Car lorsqu'on vit d'une chose qui est mauvaise, il faut la remplir d'une chose qui est bonne à la place. Mais ne pas laisser un vide. Ne pas laisser un vide et apporter une chose qui est bonne à la place. Donc de là, notre cheikh, par la suite, avait également écrit certaines causes qui, elles, permettaient au abd, à sabbat, d'obtenir un sabbat, c'est-à-dire le raffermissement en religion. Le contraire. Certaines causes qui lui permettent de se renforcer dans sa religion et de mieux tenir. D'éviter l'apostasie, ou bien même d'éviter la déviance dans son dîn. Donc certaines sont le contraire de d'autres citées dans le dernier audio. Et certaines qui sont citées ici également, comme dans l'autre audio, certaines se rejoignent les unes les autres. Certaines sont générales, d'autres sont détaillées. Mais elles reviennent à un même point également. Et nous avons bismillah ta'ala essayé d'y ajouter quelques adillah pour renforcer cette parole. من الكتاب ومن السنة من الوحي وهكذا فنقول مستعين بالله قال أولا premièrement تعلم الكتاب والسنة qui est le fait d'apprendre le livre et la sunna, c'est-à-dire le ilm. تعلم العلم يقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Que Allah élève ceux d'entre eux qui ont cru et qui ont reçu la science en degré. Et Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Donc par ce ilm, Allah t'élève en degré. Et cette élévation en degré, elle te montre justement et t'aide à te raffermir dans ta religion. Car tu prends plus de valeur, tu prends plus de poids, comme on dirait. Wa kama ja fi hadith Muawiyah, qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit en religion. Donc si Allah te veut du bien, il te donnera les causes justement pour pouvoir te raffermir dans ta religion, qui sont al-ilm. Parmi les causes, al-ilm. Et ce ilm n'est pas يعني مذموم بذاته لكن ما ينتج منه من ثمر. Cette science en elle-même, ce n'est pas pour en elle, c'est pas en elle-même qu'est-ce que sa valeur apparaît, mais sa valeur apparaît à travers les actes qui en découlent. C'est là que la valeur du ilm apparaît. C'est là que la valeur d'un savant apparaît. C'est dans son application. Sans quoi tu es blâmable. Allah Azza wa Jalla a comparé ce qui porte du ilm ne l'applique pas à des ânes, comme il a fait pour les ulama de Bani Israël. Et Allah Azza wa Jalla a comparé le savant qui délaisse ce qu'il a eu comme science à un chien, à un kalb. فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Donc ce ilm, il devient contre toi si tu ne l'appliques pas. Sa valeur est dans son application. كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَنَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Dans le sens où Allah dit, par le temps, certes l'homme court à sa perte. Sauf ceux qui ont cru et qui ont vrai dans le bien. Qui ont vrai dans le bien. Ceux-là ne seront pas voués à leur perte. Et qui sont enjoints la patience ainsi que la vérité. Et ça, on l'apprend dès le début dans Sourate Salasa. Al-Masail Arba. Al-Masail Arba. Les quatre points à connaître au début. Qala awalan al-ilm. En premier lieu, c'est le ilm. Summa al-alam al-amal bih, summa son obligation, summa al-da'watu ilayhi, après l'appel à cette science, summa sabr al-adha fi, et ensuite patienter sur les nuisances qui en découleront. Et il a pris comme preuve le surat al-Asr par rapport à cela. Wa ja'a fi hadith Jundub fi Sunan al-Kubra lil-Bayhaqi قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في تيان جزاورة فيعلمنا الإيمان ثم يعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. Qu'il est dit, Jundub, nous étions encore des jeunes garçons, et que le Nabi صلى الله عليه وسلم nous enseignait la foi, c'est-à-dire la croyance, la aqida. Ensuite, nous avons appris le Coran, du moins il nous enseignait le Coran. Et par cet apprentissage, nous avons eu encore plus de foi. Par l'apprentissage du Coran, nous avons eu encore plus de foi. Ce qui les a affirmés dans leur religion. Et le fort des Sahaba, il est connu. Radiallahu anhum. Thumma qal min asbab al-thabat, parmi les causes de raffermissement, ittiba minhaj al-salaf. Le suivi de la voie des salafs, des plus prédécesseurs, de ceux qui étaient avant nous. À la base, le salaf, je clore à la Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au moment qu'il y a hawla ou min sahaba. À la base, le salaf, ce qui est voulu par là, ce sont les sahaba. Ensuite, les générations d'après. Ensuite, celles d'après, jusqu'à même les gens qui sont morts sur leur voie avant nous, sont le salaf. Mais lorsqu'on dit à la clore à kaza salaf, on vise par là à la base des sahaba. Et les générations de vertu. Yaqulu subhanahu. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. Si jamais ils croient en ce que vous avez cru vous également, ils seront certes guidés. Donc là, le verset est interprétable sous différents angles. Et parmi eux, celui-ci, que l'on doit croire en ce quoi ont cru ceux sur qui est descendu la révélation, qui sont les Sahaba. À leur époque. Tout comme ça peut être valable pour le fait de croire en ceux qui ont, en ceux qu'on cru, ceux qui nous ont précédés comme communauté de croyants et leurs prophètes. Hada wa hada. On peut l'employer ici et là, comme on dit. Donc notre guidée à nous, elle est dans quoi? On la connaîtra à travers, en premier lieu, la révélation, bien évidemment, et on la comprendra comme l'ont compris les meilleurs des générations. Yaqul Allah Azza wa Jal anhum. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Car Allah il a dit les premiers, les précédents parmi les premiers, parmi les muhajirin, les émigrés, ou l'ansar, et ceux qui les ont suivis, hein, par excellence. Donc Allah a fait leur éloge à ces gens-là. L'éloge de qui? De ceux qui les ont suivis par excellence. Que Allah les agrée, ils agréent Allah et leur a promis des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Et ils seront éternellement. Et voici la grande victoire. Donc Allah a vanté ces gens-là et a vanté les gens qui les suivent. Et la dilemme sur le tibar salaf, ils sont très nombreux. Ils méritent des kutub entiers ont été écrits sur ce sujet. Donc c'est une cause. Être sur le minaj salafi est une cause. D'accord, qui permet de se raffermir en religion. Mais avec science, la vérité du minhaj. Pas une chose que les gens s'imaginent être un minhaj à la voie des salafis alors qu'elle ne l'est pas. Comme c'est le cas de beaucoup de personnes qui vont se dire salafi, voie des salafis, ce qu'ils font c'est tout à fait à l'opposé. Ou ça n'en fait pas partie. C'est juste des choses qu'eux se sont imaginées. Ou des choses qu'ils ont mal comprises. Donc bien connaître la chose qui revient au premier point, qui est l'ilm. Bien connaître la chose. Naam. Thumma qala ba'da zalika ad-du'a. Ad-du'a, les invocations. Tout comme la dernière fois, on avait dit que le fait de ne pas demander, de ne pas faire dua, c'est une cause justement qui a amené à l'apostasie. Donc là, on fait dua. Min a'zam ad'iya ma yakun surat al-Fatiha. Justement, pour dire l'importance de la chose, que le plus grand dua que l'on puisse faire, c'est surat al-Fatiha, qui est la surat la plus importante du Coran, et on la répète au minimum 17 fois par jour. Pourquoi? Pour son importance, comme on dit, ihdina surat al-mustaqim. Et guide-nous sur le chemin droit. Guide-nous sur le chemin droit. Wa yaqulu subhana wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. Et invoquez-le par peur et par convoitise, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Donc il faut le demander à Allah Azza wa Jal. Contrairement à des gens, justement, ces versets s'opposent à ceux qui disent qu'on adore Allah que par amour pour lui. Pas par peur de son châtiment, ni par envie de son paradis. Ce verset-là le dément, ces gens-là. Tu dois avoir peur, justement, de quoi? De son châtiment. Et c'est ça le wiqaya et la taqwa. C'est que tu mettes une protection entre toi et la colère d'Allah et son châtiment. Ou à tamaran, que tu convoites le bien qu'il a à t'accorder comme son pardon en premier lieu, son agrément, et bien évidemment son paradis. Et Allah nous a ordonné de le faire. C'est un ordre. Ud'uhu. Invoquez-le. Ou an Anas bin Malik, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Que le Nabi sallam disait très fréquemment, ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui déjà le paradis était promis, dont les péchés passés et à venir étaient pardonnés, malgré cela, ils ont cette invocation. Qu'en est-il de nous à notre stade? Et justement, ils ont dit, Kultu ya Rasulallah, amanna bika wa bima jitta bi. Fahel takhaf alayna. Ils ont dit, ô messager d'Allah, nous avons cru en toi et en le message que tu as apporté. As-tu donc peur pour nous? Qal na'am. Inna al-qulub bayna usbu'ayn min asabi' Allah. Fi riwaya asabi' ar-Rahman yuqallibuha kayfa yasha. Elle a dit, oui, j'ai peur pour vous. Car personne n'est à l'abri. Car elle a dit, les cœurs sont entre deux doigts, parmi les doigts d'Allah Azzawajal, et qu'il les retourne comme il veut. Ça veut dire, tu n'es pas à l'abri quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, tu n'es pas à l'abri. Donc, parmi les causes qui te permettent justement de te raffermir, que tu invoques Allah qui te préserve de cela. Et ce hadith est apporté par Ahmed. Zada, min hadil asbab, qira'at qisas al-anbiya wa salihin. Le fait de lire justement les histoires des gens passés parmi les prophètes ainsi que les gens pieux. Combien de fois Allah nous le dit? Inna fi zalika al-ibratan lil absar wa lil albab. Il y a certes en cela une chose à prendre en considération, comme une leçon à prendre, une expérience à prendre de ceux qui sont passés avant nous. Kullan naqussu alayka min anba' ar-rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mu'azatun wa dhikra lil mu'minin. Elle a dit, nous te citons justement, nous te racontons ce qui arrivait au messager avant toi, afin de pouvoir raffermir ton cœur. Et en cela t'est venu justement la vérité, une exhortation et un rappel pour les croyants. Ce verset en lui-même suffit à expliquer la mas'ala. Que Allah cite les histoires passées des autres prophètes et de leur peuple. Pourquoi? Pour raffermir son cœur. Et pour nous également, un rappel pour nous. Yaqul l'imam al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, c'est-à-dire ton cœur afin qu'il se rassure, ainsi qu'il se raffermisse et qu'il patiente. Comme ont patienté les azm min ar-rusul, comme ont patienté les ulul azm, ce sont les prophètes qui étaient les plus dotés de détermination parmi les messagers. Fa'inan nufus ta'nas bil iqtida', car les âmes justement se rassurent, s'apaisent en voyant ces gens passés qui ont réussi afin de faire comme eux. Et cela les motive à agir plus encore. Et qui a vu concurrencer dans le bien les autres par rapport à cela. Un tel a fait tel bien, je vais en faire autant que lui, si ce n'est plus. Et que le haq sera fermé lorsqu'on cite justement les choses qui reviennent, les témoignages qui rapportent cette vérité. Et en citant la multitude de gens ou de choses qui s'y rapportent, cela te raffermit. Cela t'aura fermé. وَقَالَ سُبْحَانَا نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أُحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنِ. Nous te racontons les meilleures des histoires parce que nous t'avons révélé qui est le Coran. كَذَلِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَنْ قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا. Et c'est de la sorte que nous te citons les meilleurs des faits qui sont passés, qui sont déjà produits dans le passé. Et nous t'apportons de notre part un rappel que Allah lui dit à son messager, te citons les choses antérieures, d'accord, antérieures, et nous t'apportons en cela un rappel. Fumakal, dans le sens, et celui qui s'en détourne, il portera alors le fardeau, le jour de la résurrection. Car il sera détourné des choses qui sont pour lui une guidée. Il s'en est détourné. Donc cela lui coûtera quoi? un mal qu'il portera comme fardeau le jour de la résurrection. Combien d'histoires dans la hadith ont été citées, comme l'histoire du Roulem, ce jeune garçon qui est entre le sorcier et le moine. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a montré comment ces gens-là ont été torturés pour leur religion. Malgré cela, ils ont tenu, ils ont leur récompense par la suite. Wa kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yu'ta rajulun qablikum yughfar lahu al-hafra, qu'on venait qu'un homme auparavant, on faisait un trou dans le sol. Fayujalu fi, on le mettait dans ce trou là. Thumma yu'ta bi minshar, on venait avec une scie. Fatujal ala ra'sihi fayushaq nisfayn, et qu'on le suit la tête en deux. Wa la yasuddu zalikarin dini, et que cela ne le faisait pas sur sa religion. Regardez les tortures qu'ont subi les gens d'avant nous par rapport aux nôtres. Et ces gens-là, pourtant, ont tenu. Donc cela, c'est pour nous encourager, nous motiver, nous raffermir. Thumma qala al-istiqama zahiran wa batina, qui sont la droiture. Et ceci, extérieur comme intérieur. Ce que tu laisses ressortir par tes actes, par tes paroles et dans ton apparence ou autre, cela, c'est une chose qui est ressentie intérieurement également. Ce n'est pas qu'une apparence. C'est-à-dire, tu es sincère, tu es complet. Yaqulu subhana fastaqim kama umirt, et tiens trois doigts comme cela te l'a été ordonné. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaika ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ceux qui ont dit notre Seigneur et Allah, puis sont tenus droit sur cela, descendront sur eux les anges et leur diront: n'ayez pas peur, ne soyez pas attristés, et réjouissez-vous du paradis qui vous a été promis. قال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. C'est ceux qui ont dit Allah notre Seigneur, puis seront tenus droit, nulle peur sur eux et ne seront pas attristés. Ceux-là sont les gens du paradis qui seront éternellement en rétribution de ce qu'ils ont fait comme œuvre. Ces versets sont venus pour nous raffermir et pour nous consoler et pour nous faire la bonne nouvelle de ceux qui se tient droit sur sa religion et qui le proclame et qui est fidèle et qui est sincère en ce qu'il fait. Dit dans le hadith Abi Dhar wa Mu'adh ibn Jabal, قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وادبر سيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Qu'il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم à Mu'adh ainsi qu'à Abu Dhar: crains Allah où que tu sois, c'est-à-dire en toute situation. Où que tu sois, quelle que soit la situation, crains Allah. Crains Allah, c'est-à-dire tiens trois droits. Car l'estikama, tarji et le taqwa. L'estikama, ça revient à la taqwa, à la piété. Donc en toute situation, tu dois craindre Allah. C'est-à-dire que tu sois seul, que tu sois avec des gens, que tu sois je ne sais où, dans un lieu qui t'est demandé de faire telle et telle chose, ou un lieu où cela ne t'est pas demandé. La situation est la même. Comme dans le hadith de Jibril, qui c'est ça l'excellence. Al-Ihsan, an ta'budu Allah kanaka tarahu, fa lam takun tarahu fa nuyarak, que tu adores Allah comme si tu le voyais, si tu ne vois pas lui, tu vois. En toute situation, tu es pareil, tu ne changes pas. Maintenant, il y a des situations qui font que des fois, on est plus motivé, on a plus, de nashat, plus d'énergie. Naam. Mais cela ne change pas ce qu'il y a en notre fond intérieur. On est fidèle, intérieurement comme extérieurement. On n'est qu'une seule chose, une seule personne. On n'a pas plusieurs visages, on n'a pas plusieurs facettes. On peut avoir plusieurs humeurs. Cela arrive, c'est un être humain. Mais cela ne veut dire par là que tu es entier, tu es véridique. Dans le hadith de Sofiane ibn Abdillah, قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا عنه غيرك, qu'il a dit ô messager d'Allah, dis-moi une chose dans l'islam dont je n'aurai personne à interroger à ce sujet en dehors de toi. قال له قل آمنت بالله ثم استقيم, dis j'ai cru en Allah, ensuite je me suis tenu droit. قل آمنت بالله ثم استقيم, ça veut dire tu l'as dit et tu l'as fait. Tu l'as dit que tu as cru en Allah Azza wa Jal et tu agis en conséquence. Yaqulu subhana ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati shaytan, ô vous qui avez cru, entrez pleinement en islam, pleinement, pas partiellement, pleinement, et ne suivez pas les traces de shaytan. Cette istiqama t'amènera à appliquer tes obligations ainsi que actes surrogatoires, et cela sont les choses les plus aimées pour Allah Azza wa Jal. que mon serviteur s'est pas approché de moi pour une chose plus aimée par moi que parce que je le rendis obligatoire. Donc si Allah aime cela, cela va te raffermir obligatoirement. Si Allah aime ce que tu fais, c'est que Allah est avec toi. Wa akada. Mujalasat as-salihin, le fait de fréquenter les bonnes personnes, les gens pieux. Là-dessus, on a déjà fait une conférence entière qui parle des bonnes fréquentations. Pour qui veut en revenir en détail, ce sont des sujets très importants qui eux-mêmes méritent à eux-mêmes d'être développés et détaillés. Mais là, on passe de point à point. Faqala subhana, wasbir nafsaka ma'a allazina yad'una rabbahum bil 'adati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Et patiente. C'est-à-dire, reste en compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, qui veulent son visage. L'histoire, justement, qu'on a parlé tout à l'heure de ce Roulem, ce jeune garçon qui était entre le moine et le sorcier. Comment a-t-il, alhamdoulilah, pu connaître la vérité? En allant voir le moine qui lui a raconté la vérité, qui lui a parlé d'Allah Azzawajal, qui lui a fait découvrir la vérité, et qui l'a fait qu'il a délaissé le sorcier, qui lui a monté la foi et qui était une cause de guider pour les autres par la suite, par les miracles qu'il a accomplis, biznillah ta'ala. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه que l'homme est avec celui qu'il aime. L'homme sera avec celui qu'il aime يوم القيامة. Donc si toi si tu aimes les gens de bien, tu seras avec eux يوم القيامة. Et si tu aimes les gens de mal, que tu fréquentes, tu seras avec eux يوم القيامة. Et toujours dans ce hadith de cet homme qui a tué 99 personnes, dont on a déjà parlé à maintes reprises, qu'est-ce que ce savant lui a dit de faire? D'aller vers une terre où il y a des gens qui adorent Allah Azzawajal. Donc va avec eux. Va avec eux, cela va te raffermir et t'empêcher de recommencer les erreurs du passé. Parmi les hadith asbab, l'iman, la foi à Allah Azzawajal, la foi totale, complète et réelle. Et parmi les hadiths, on l'a appris tout à l'heure, surat al-Asr, wa al-Asr, inna al-insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihat, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bis sabr. Que certes, par le temps, l'homme croit sa perte, hormis qu'il dit ceux qui ont cru et qui ont cru dans le bien et sont enjoints dans la patience et la vérité. Ceux qui ont cru. Donc cette foi te préservera de la perdition. Que Allah Azzawajal a cité auparavant à déclarer pour tous les hommes, hormis certains qui ont des caractéristiques, et parmi elles la foi et qui applique, qui œuvre dans le bien. Yaqulu subhana wa rabatna ala kulubihim izqamu. فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شططا. Propos des gens de la caverne, il a dit nous avons justement raffermi leur cœur. Lorsqu'ils se sont levés, ils ont dit notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre et nous n'invoquerons personne en dehors de lui. Nous aurions certes dit une chose qui est mensongère à ce moment-là. Donc il a dit ربنا على قلوبهم, il a raffermi leur cœur pour leur proclamation et pour leur application par la suite. Ils ont été préservés. يقول الله عز وجل ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولدخلناهم جنات النعيم. Et que si jamais les gens du livre avaient cru et avaient craint, nous aurions expié leurs fautes et nous aurons fait rentrer dans des paradis de délices, des jardins de délices. Il a bien dit, لو أن أهل الكتاب آمنوا, s'ils avaient cru, cet iman leur aurait apporté une rentrée au paradis et d'avoir les délices. Mais ils ont mécru. Ils ne croient pas en Allah Azzawajal comme il se doit. Ils ont une partie de la foi en Rububiya, certains points, mais elle n'est pas complète, elle n'est pas suffisante. Donc cette foi te raffermit dans ta religion. Cette foi te raffermit. Et la foi, elle monte et elle descend comme cela est connu. Elle monte par les actes d'obéissance et elle descend par les actes de désobéissance. Et cela rejoint ce qu'on a dit auparavant, que les actes dans le bien, justement, eux, montent ta foi. Ce qui prouve que cela te raffermit dans ta religion. من هذه الأسباب قال كذلك التوبة والاستغفار. Le fait de se repentir des fautes et de demander pardon à Allah Azzawajal. وتوبوا إلى الله جميعا يا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Et repentez-vous à Allah, vous tous, ô les croyants, afin que vous réussissiez. Donc se repentir amène à la réussite. Se repentir amène à la réussite. Et cette réussite, elle-même, n'en vient qu'avec une foi raffermie. يقول سبحانه عن نوح يقول لقومه ويا قومي استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. Il a dit ô mon peuple, demandez pardon à votre Seigneur et puis repentez-vous à lui. Il vous enverra les cieux, c'est-à-dire il apportera du risque, de la subsistance. et vous rajoutera de la force à votre force. Et il vous rajoutera de la force à votre force. Hada, c'est istighfar, une chose qui te raffermit. C'est une chose qui te raffermit et qui te rend plus fort. Physiquement, ainsi que au niveau de la foi, tu seras plus fort. Et le Nabi sallam lui-même, kana yaqul astaghfirullah wa atubu ilayhi kul yawm 100 marra ou akthar min 70 marra. Chaque jour, je demande pardon à Allah, je me repens au moins 100 fois. Alors qu'à la base, ses fautes sont déjà pardonnées. Wa ja fi hadith Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah afrahu bi tawbat 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'idihi wa qad adallahu fi ard falah. Que Allah est plus content de la tawba de son serviteur que de l'un d'entre vous qui était sur sa monture dans le désert et a transporté tout avec elle. Sa boisson, sa nourriture, ses vêtements, et elle se sauvait de lui dans le désert. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Donc là, qu'est-ce qui lui arrive? Il attend la mort. Il désespère. Et pourtant, par la suite, il trouve cet animal, sa monture. Quelle joie va-t-il ressentir à ce moment-là? Quelle joie, à tel point qu'il dit, tellement il est content, il a dit « Allahumma anta abdi wa ana rabbuk ». Tellement il était content, il a dit que « Oh Allah, tu es mon serviteur, je suis ton Seigneur ». Donc Allah Azzawajal est encore plus content de notre repentir que de celui qui vit cette situation-là. Donc la réjouissance d'Allah Azzawajal, qu'est-ce qu'elle inclut? Qu'il aime cela, ce que tu as fait. Et forcément, cela va te raffermir. « Nas'alallahu waffiqana lil'amal as-salih wal-fahm as-sahih ». Parmi l'asbab, il cite également « al-sabr ». Al-sabr, qui est la patience, traduit par la patience, l'endurance. Al-sabr, yani shalan, c'est « habs al-nafs ala ta'atillah ». C'est le fait de maintenir l'âme, c'est-à-dire la personne, sur l'obéissance d'Allah Azzawajal. De délaisser également les péchés et de patienter sur ce qui nous arrive comme chose liée au destin. Et celle-ci te raffermisse. « Yaqulu subhana ya ayyuhallazina amanu isbiru » وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ. Ô vous qui avez cru, patientez et endurez et maintenez les frontières et craignez Allah afin que vous puissiez réussir. Donc les causes de réussite sont placées dans plusieurs causes. Parmi elles, la patience. Lorsque Talut est sorti pour combattre Jalut, celui qu'ils appellent Goliath en version française, يَقُولُ سُبْحَانَا قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. Que ceux qui savaient qu'ils allaient rencontrer Allah ont dit combien de groupes, de petits groupes, ont vaincu des grands groupes par la permission d'Allah, et Allah est certes avec les endurants. Pour justement réconforter ceux qui disaient qu'ils avaient peur, qui diront qu'ils ne pourraient faire face à Talut, ou à Jalut plutôt. Ils leur ont dit cela. Combien de petits groupes ont combattu des grands groupes? Mais Allah est avec les patients. Allah est avec les patients. Et lorsqu'ils ont rencontré leurs ennemis, quand il dit وَلَمَا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْلِعْ عَلَيْنَا الصَّبْرَ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Et lorsqu'justement ils se sont retrouvés face à l'ennemi, à Jalut et ses troupes, ils ont dit Ô notre Seigneur, verse sur nous de la patience, de l'endurance pour faire face. Et raffermis nos pas, nos pieds, et secourons-nous sur le peuple de mécréants. Ils ont demandé la patience et le raffermissement qui vont ensemble. Et le secours d'Allah Azzawajal. فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَ عَلَى دَاوُدَ جَالُوتَ. Et que justement, ils les ont vaincus par cela, par la permission d'Allah Azzawajal, et que Daoud a vaincu, a tué Jalut. Ils ont fait les causes, ils ont avancé, ils ont patienté, ils ont invoqué. Et bien évidemment, ils croyaient, ils avaient la croyance, comme on l'a dit au début du verset. Qu'al ladhina yadhunnuna annahum mulaqu Allah, ceux qui savaient qu'ils allaient rencontrer Allah. Car le verbe dhanna ici a le sens de croire, de savoir, d'avoir le ilm. Ce qui inclut la foi. Dans ce même hadith du Ghulam dont on a parlé tout à l'heure, ce jeune garçon qui était avec le sorcier et le moine. Que s'est-il passé à la fin, lorsque ce roi tyran a pu tuer ce jeune garçon et que les gens ont cru lorsqu'ils ont vu cela? Il a ordonné que des fosses soient creusées et dit allumer des feux et que les gens y soient jetés. Soit ils apostasie ou soit ils seront brûlés vifs. Une femme est arrivée avec son enfant, apeurée de ce qu'il attendait, car se jeter dans le feu, ce n'est pas tout le monde qui va le faire. Un feu comme ça ardent devant toi, te dit rentre dedans, jette-toi dedans avec son bébé en plus. Mazakolel le roulem, qu'est-ce qu'il a dit le bébé à ce moment-là? Un miracle s'est produit. Il a dit Yaoum Mata, Isbiri fa'innaki al-haq. Il lui a dit, l'enfant, Allah fait parler cet enfant, ce nourrisson, qui a dit à sa mère, oh chère mère, endurez patiente, car tu es sur la vérité. Il a appelé à quoi à ce moment-là? À patienter. Car elle est sur quoi? Sur la vérité. Donc, vas-y, rentre dedans, tu n'as pas à avoir peur. C'est la victoire qui t'attend par la suite. Cela l'a raffermi. Car elle a agi par la suite. Ils ont tous agi. Tous, ils ont agi. Et ils ont pris, justement, exemple de ce jeune garçon, Roulem, qui a subi lui-même des tortures et qui a reçu des différentes tentatives de meurtre. Malgré cela, il revenait vers le Malik, vers le roi, pour lui dire, regarde, tes ashabs ne m'ont rien fait. Ils le renvoient à des gens. Ils l'ont dit, prenez-le et montez dans la montagne et jetez-le. Ils sont partis, ils l'ont porté dans la montagne. Il n'a pas voulu apostasier. Il a fait une invocation à Allah Azawajel. La montagne a tremblé, ils sont tombés dans le vide. Il est revenu, il aurait pu se sauver, aller ailleurs. Non, il revient vers le roi. Le roi lui dit, ma faire l'ashabu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, Allah m'a débarrassé d'eux. Il l'a repris, il l'a envoyé vers d'autres personnes pour dire, prenez-le. Il zabubihi, wa tawassatu bil bahr, allez au milieu de la mer avec lui. Soit il renie sa religion, soit vous le jetez au milieu de la mer, seul. Ils l'ont pris, ils l'ont emmené sur le bateau. Et après, le jeune garçon a fait une invocation encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bateau s'est retourné, sont tous noyés sauf lui. Il est revenu vers le roi. Il aurait pu se sauver une fois de plus. Il ne s'est pas sauvé, il est revenu. Il lui a dit, tu ne pourras me tuer tant que tu ne feras pas ce que je te dis. Et là, il lui a expliqué comment faire. Et devant tout le monde. Et de là, les gens ont cru. Et ils ont fait face à ces feux. Allahu Akbar. Et quelqu'un qui vit sans sabr, qui vit sans patience, sans endurance, il ne tient pas. Regardez les koufars comment ils sont, ils finissent par se suicider au final. Ou ils tombent dans la dépression, ou ils tombent dans la folie, car ils ne supportent pas de vivre. Ils ne supportent pas ce qui leur arrive. La moindre épreuve, pour eux, c'est une chose qui est immense, qui est insurmontable. Car ils n'ont pas de tawakkul, ils n'ont pas la foi au destin, et ils n'ont pas de patience. Liyaza yakullah azawajal, ou minen nas, man yabudullah ala harf. Parmi les gens, ça adore Allah fragilement, de façon frêle. Fa'ina saba ou khayron itma'in nabi. Et s'il y a bien le touche, il s'en rassure, il est content. Et si jamais un mal le touche, une épreuve, le voilà qui se retourne, qui se détourne. Et de là, par ce retournement qu'il a fait, ce manque de patience ou quoi, il en a perdu la vie de ce bas monde et celle de l'au-delà, et ça c'est la plus grande des pertes. Ils adorent Allah fragilement. À la moindre épreuve, ils se retournent, pas de patience. Et là, Allah Azza wa Jalla parle de gens qui adorent Allah. Donc, qu'en est-il de ceux qui n'adorent pas Allah Azza wa Jalla? Donc, la sabr, la bun minhu, comme a parlé Omar, wa wajadna khayl ma'ishatina fi sabr. Nous avons trouvé le meilleur dans notre vie par la patience, l'endurance. Sans patience, sans endurance, tu ne tiens pas. Ce n'est pas possible. Et ta vie, Allah t'a promis que l'épreuve va te toucher. Voilà le musta'an. Donc, cette patience te raffermit et te rend plus fort dans ta religion. Qala kadhalik, ma'rifat tuluq ad-dhalal. Le fait de connaître les voies qui mènent vers l'égarement. Ce qui revient au premier point qu'on a pris au début, qui était l'ilm. Savoir où est l'égarement pour ne pas y aller. Comme a dit Ta'ala, « Wa inna hadha sirati mustaqim, fattabi'uhu, wa la tattabi'u subul, fatafarraka bikum an sabili, zalikum wassakum bihi, la'alakum tattaqoun. » Il a dit, « Voici donc mon chemin droit, dans toute sa rectitude. Suivez-le, ne suivez pas les sentiers, c'est-à-dire adjacents, qui vous sépareront de son sentier, c'est-à-dire le sentier d'Allah Azza wa Jal. Voici ce que Allah vous exhorte, afin que vous puissiez craindre. Ibn Kathir, dans ce hadith, ou plutôt dans ce verset à Fouen, a cité le hadith, en disant, selon Ibn Mas'ud, « Qala, khatta al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, khatta biyadi » que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait une ligne avec son doigt, avec sa main. ثُمَّ قَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ مُسْتَقِيمًا. Il a dit, voici le sentier d'Allah dans toute sa droiture, sa rectitude. وَخَطَّ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ. Et qu'il a fait d'autres lignes adjacentes à sa droite et à sa gauche. ثُمَّ قَالَ هَذِهِ السُّبُلْ لَيْسَ مِنْهَا سَبِيلٌ إِلَّا عَلَيْهِ شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ. Et que voici justement ces sentiers adjacents. Et il n'y a pas un de ces sentiers sans qu'il n'y ait à son extrémité un shaitan qui appelle les gens vers lui pour t'égarer de la droiture. Et après, il a récité le verset. وقال الله عز وجل وكذلك نفصل الآية لتستبين سبيل المجرمين. C'est de la même façon dont nous avons détaillé les versets afin que tu puisses ou tu puisses être dévoilé la voie des criminels. Donc Allah Azza wa Jal a bien dit, a montré où était le bien, où était le mal, afin de l'éviter, pour ne pas tomber dedans. Donc connaître les chemins du bien et ceux du mal pour les éviter est une chose qui raffermit dans la religion. Comme dans le hadith de Huzaifa qui est connu, que les gens interrogent le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam à propos du bien. Et moi, je l'interrogeais à propos du mal. Par peur de nous tomber dedans. Car les gens, quand ils ne connaissent pas le faux, ils tombent dedans. Et Huzaifa avait compris cela. Donc, il demandait au Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam à propos du mal. Pour l'éviter. Car des gens disent, je ne veux pas savoir quand il y a un mal qui est évident devant eux. On dit, si tu ne sais pas, tu vas tomber dedans. Même dans la dunya, qu'est-ce qu'ils font les gens sur la route? Ils mettent des panneaux d'indication pour te dire, attention, il y a un virage serré. Attention, là, il y a un précipice. Attention, il risque d'éboulement. Pourquoi? Pour que tu évites de ne prendre ce mal. Mais quand tout va bien, il n'y a pas d'indication devant toi en général. Quand une droite, elle est bien, elle est nette, elle est claire, il n'y a pas un chemin qui te dit, c'est tout droit, il n'y a rien devant toi. Non, on te met un signal quand il y a un danger. Pour que tu fasses attention à cela. Ça, c'est pour ta dunya. Même les koufars le font. Donc, on le dit pour le musulman avec sa religion. Connais les voies du mal pour ne pas tomber dedans et cela va te raffermir en religion. Le fait de porter secours à la religion d'Allah Azzawajal. Allah n'a pas besoin de nous. Mais porter secours à sa religion, c'est l'appliquer. C'est l'appliquer. Car Allah fait de nous une cause dans ce bas monde pour porter sa religion et la retransmettre aux autres. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَذُونَ بِهِ لَكَنَا خَيْرٌ لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذَا نَاتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Que si ils avaient fait ce qu'on leur avait recommandé, cela aurait été meilleur pour eux et de plus grands raffermissements en appliquant les ordres. Et donc, nous leur aurions apporté de notre part une grande récompense. Et nous les aurions guidés sur un chemin droit. C'était quoi la condition au début? S'ils avaient fait ce qu'on leur avait dit de faire. Donc en obéissant, Allah t'apporte, comme il a dit, la guider. Cela aurait été meilleur pour eux. Il aurait été d'un plus grand raffermissement sur la religion. Appliquer les ordres, ce qui revient à secourir la religion. Quand le Subhanah, وَالَّذِينَ جَهَادُوا فِيْنَا لَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Que ceux qui combattent en nous, c'est-à-dire qui font le djihad, que ce soit le djihad armé, ou que ce soit le djihad du nefs, ou le djihad des munafiqin, des mutadiyah, de l'égarement par les écrits, par les réfutations ou autres, qui revient à secourir la religion, nous les avons guidés, ou plutôt nous les guidons, sur nos sentiers, et que Allah est avec les bienfaisants. Moussa, il a dit quoi à son peuple? Il a dit, mon peuple, rentrez dans cette terre sacrée que Allah vous a accordée. Et ne retournez pas sur vos pas en arrière, car vous finirez par perdre. Ils ont dit, Moussa, il y a en cela, dans cette terre, un peuple de géants, de tyrans. C'est-à-dire qu'ils avaient peur. Nous ne pourrons pas y rentrer tant qu'eux n'en sortiront pas. Et si ils en sortent, alors nous rentrerons. Quand les rajoulen, min al-lazin yakhafun, anamallahu alayhima, utrulu alayhimu al-bab, fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun, wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Et deux hommes, parmi ceux justement, qui avaient peur, c'est-à-dire de la défaite, et à qui Allah accordait les bienfaits en les raffermissant, justement, ils ont dit rentrez par la porte. Et si jamais vous rentrez, vous serez des vainqueurs. Et placez votre confiance en Allah si jamais vous êtes croyants. Donc regardez bien ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Par désir de secours de la religion d'Allah, ils ont été raffermis, ils ont dit aux autres de rentrer et d'appliquer et de suivre l'ordre. Qalu ya Moussa, inna lan nadkhulaha abada. Madame ou fiha, idhab anta wa rabbuk, faqatila innaha huna qa'idun. Ils ont dit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont répondu les autres? Ils ont dit, oh Moussa, nous ne rentrerons jamais en cette contrée, c'est-à-dire tant qu'ils sont là. Va, toi, ainsi que ton Seigneur, et combattez. Nous sommes ici, nous asseyons. Regardez l'abandon. Ils ont abandonné à ce moment-là le combat, ce qui leur a été ordonné de faire. Fakale Moussa, Kale Rabbi, inni la amliku l'nafsi wa akhi. Fafruq baynana wa baynakum al-fasiqin. Il a dit quoi, Moussa? Il a dit, Moussa, dans le sens, je ne suis responsable que de moi-même, et ainsi que mon frère. Donc juge entre nous et ce peuple de pervers. Moussa les a traités de pervers. Ils sont son peuple. Ils ont refusé d'obéir et d'entrer et de suivre la promesse d'Allah Azzawajal. Wa qala ta'ala, qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sana. Yatihuna fil ard, fala ta's ala al-qawmi al-fasiqin. Il a dit, Allah Azzawajal, donc elle leur deviendra interdite cette terre-là. Ils vont errer sur terre pendant au moins 40 ans. C'est-à-dire sans terre à eux, à droite, à gauche. Et ne te tourmente pas pour le peuple de pervers. Donc ils n'ont pas été raffermis. Pourquoi? Car ils n'ont pas obéi. Mais s'ils avaient obéi, ils auraient été raffermis, ils auraient eu la victoire. On a lu quoi tout à l'heure, l'histoire de Ta'alout avec son peuple? Ta'alout, celui qui a combattu Ja'alout, qu'ils appellent Goliath. Cette victoire, comment ils l'ont eue? Car qu'ils ont secouru la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en faisant face à l'ennemi. Comme cela leur était ordonné. Ils ont été raffermis pour cela. Pourquoi? Pour leur désir de porter secours à la religion d'Allah Azzawajal. Eux, c'est un djihad armé. Mais le djihad, à la base, lorsqu'on fait l'itlaq le djihad, c'est ça qu'on veut dire par là. Bien qu'il peut être appliqué pour d'autres sens. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ibn Abbas. Il a dit quoi, ibn Abbas? Ihfazillah yahfazka. C'est-à-dire, préserve Allah, c'est-à-dire sa religion, il te préservera. Ihfazillah tajiduhu tujahak. Préserve Allah, tu le trouveras devant toi. Devant toi. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu agis. Et tu secours sa religion et Allah sera avec toi. Et si Allah est avec toi, c'est forcément que tu es raffermi dans ta religion. Et tu ne dévieras pas, bi-izni. Non. Quand elle parle de Zalika, Ithar el-Akhira. Le fait de préférer l'au-delà. On a parlé dans l'autre audio, qui est le fait de préférer la dunya, cela amène à apostasier. Ben là, c'est le contraire. Le fait de préférer l'au-delà. Comme quand elle ta'ala, wa-dhuha, wa-layli iza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Quand Allah il dit, par le Doha, le Doha c'est l'heure où le soleil se lève. Ils appellent ça le soleil montant. Et par la nuit, lorsqu'elle recouvre, que ton Seigneur ne t'a pas abandonné. Et il a dit quoi? L'au-delà est meilleur pour toi que la vie actuelle. Wa kama qala ta'ala, man kana yuridu harth al-akhirah, nazid lahu fi harthi. Que celui qui laboure, qui récolte justement pour l'au-delà, alors nous le rajouterons à son labour. C'est-à-dire ce que tu fais comme œuvre en visant par là l'au-delà, Allah te raffermit et te rajoute encore. Car tu as préféré l'au-delà. Tu as préféré l'au-delà. Comme a dit Subhanahu, wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa'ulaika kana sa'yuhum mashkura. Et celui qui veut l'au-delà et s'y efforce pour l'obtenir, et alors qu'il est croyant, ceux-là, leurs efforts seront reconnus. Leurs efforts seront reconnus. C'est-à-dire que tu seras raffermi, c'est ta religion. Mais fais des efforts. En mesure de tes capacités, fais des efforts. Les sorciers de Pharaon, après qu'ils aient combattu Moussa, et finalement ont vu le miracle de Moussa, ils ont capitulé, ils sont soumis. Et qu'après, Pharaon les a menacés de les crucifier sur un arbre et de leur couper, les amputer, les membres inverses. Qu'ont-ils dit? Qalou lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana min al-bayyinat wal-ladhi fatarana faqdi ma antaqad. Nous ne te préférons pas à ce qui nous est parvenu comme preuve par celui qui nous a créés. Alors, exécute ce que tu veux, car ce que tu n'exécutes, ce n'est qu'en ce bas monde. Ce que tu vas faire, c'est qu'en ce bas monde. Donc pour eux, ça ne vaut rien du tout. Tu peux nous crucifier, tu peux nous torturer, tu peux nous amputer. Cela n'est qu'en ce bas monde. Et nous, c'est l'au-delà qu'on vise. Car ils ont dit quoi par la suite? Inna amanna bi rabbina liyaghfirana khatayana. Certes, ils ont dit, nous avons cru en notre Seigneur pour qu'il nous pardonne nos fautes et ce que tu nous as contraint de faire comme sorcellerie. Et Allah est meilleur, c'est-à-dire ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur et plus durable, c'est-à-dire l'au-delà. Et regardez dans le verset, il dit encore, Amanna, c'est-à-dire la foi, ils ont eu la foi pour que notre Seigneur nous pardonne nos fautes. Et ça répond encore à ceux qui disent qu'on n'adore pas Allah que par, on adore Allah que par amour. Ils ont bien dit, on a cru en Allah pour qu'il nous pardonne nos fautes. Donc ils ont également un intérêt, une maslaha derrière. Mais cette maslaha, Allah, il l'aime, il la désire. C'est une chose qui nous est demandée en religion, de nous faire part de nos fautes pour obtenir son paradis. Yaqulu subhana wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'ani al-hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Quand celui qui a peur, c'est-à-dire le jour où il va rencontrer son Seigneur et qui a empêché son nefs, son âme, de suivre ses passions, alors le paradis sera son refuge. Car il a préféré l'au-delà. Et le Jannah, cette promesse, amène à raffermir la foi. Dans un hadith de Shaddad ibn Awsin, radiallahu anhu, le hadith fi kalam, mais le sens il est correct. Cet hadith, des ulama l'affaiblissent, mais ils disent que le sens il est correct. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle kayyis man dana nafsahu amila lima ba'd al-maut wal ajiz man ittaba'a ou man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah al-amani. Le kayyis, c'est-à-dire celui qui est conscient, l'homme qui est conscient, qui est réfléchi, et celui justement qui plie son nefs, c'est-à-dire par la religion, et qui œuvre pour ce qui est, arrivera après la mort. Quant au ajiz, c'est-à-dire l'incapable, l'incapable, l'abandonné, et celui qui justement suit ses passions. Il suit ses passions, il fait ce qu'il veut, et croit et pense que Allah va lui donner ce qu'il attend. C'est-à-dire il vit dans des illusions. Il fait tout ce qu'il veut, il n'obéit pas, et il espère que Allah lui donne. Donc, le Kayyis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait prévaloir l'au-delà sur ce bas monde. Et donc, il a reçu cet éloge, que c'est quelqu'un de conscient, lui, de réfléchi. Minadil Asbab, il y en a cité plusieurs qui vont ensemble. Il a dit, Ashujaa fil haq, le courage dans la vérité. Wa tarzim al haq, le fait de glorifier la vérité. Wa al-hirs al-attiba al haq, le fait de se soucier de suivre la vérité. Ça, c'est fut la voix des rusul, des messagers, face à leur peuple qu'ils ont contredit, qu'ils ont combattu. Et ça revient également au point précédent, qui est le fait de recourir, de secourir la religion. Dans la vérité, tu dis la vérité, tu n'as pas peur. Et la vérité, tu la glorifies, tu la vois plus haute que tout. Et tu es, toi, soucieux, tu fais en sorte de la suivre à chaque fois. Car les gens qui abandonnent la vérité, ils dévient, c'est connu. Ils dévient, un minimum, et au pire, ils apostasient. Qala ta'ala, يَا أَيُّوَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَتِ اللَّهُ بِكَوْمٍ يُحِبُّوهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Que Allah, dans le sens, il dit, oh, vous qui avez cru, ceux d'entre vous qui apostasient de leur religion, que Allah va venir avec un peuple qu'il aime et que eux aiment, c'est-à-dire ils aiment Allah, que Allah les aime. Et qu'ils aiment Allah. Donc si Allah t'aime, ils les aiment, c'est qu'ils sont forcément raffermis dans leur religion. Qu'ils seront doux envers les croyants et puissants et fiers face aux mécréants. Et qu'ils vont combattre sur le sentier d'Allah Azzawajal et qu'ils n'auront peur d'aucun blâme, aucun remords que les gens leur feront. Ils seront courageux, ils voudront suivre la vérité, d'accord ? Et ils auront cette glorification pour la vérité. Et ça c'est la grâce d'Allah Azzawajal qui donne à qui il veut et Allah est large et omniscient. Allah est large et omniscient. Donc regarde ce qui s'ébranle devant le faux, qui n'arrive pas à faire face. Et il y a deux catégories de personnes. Tu as ceux qui n'arrivent pas à faire face, mais qui ne combattent pas la vérité. Et tu as ceux qui n'arrivent pas à faire face, et par peur de perdre leur bien, combattent la vérité impunément. Et ceux-là sont les pires des deux. Notre chien le disait, Shariah, il a dit, si tu n'arrives pas à dire la vérité, ou à faire face, au minimum ne la combats pas. Au minimum ne la combats pas. Ne fais pas face à la vérité. يقول من هذه الأسباب parmi ces causes il y a الزهد مما في أيدي الناس, le fait de délaisser, de ne pas être attiré par les biens des gens. Dans l'autre audio on avait parlé justement ceux qui sont intéressés par ce que les gens possèdent, cela est une cause qui amène à dévier dans la religion. Là ici justement le fait de délaisser, d'être désintéressé des biens des gens, cela t'amène à te raffermer en religion. Lorsque Allah Azza wa Jal a envoyé des messagers à leur peuple, قال وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Il a dit, un homme est venu du fond de la ville pour avec son peuple, pour dire, ô mon peuple, suivez les messagers les envoyés qui vous sont venus. Suivez ceux qui ne demandent aucun salaire, ils ne demandent rien en échange, alors qu'ils sont bien guidés. Suivez-les. Et le fait de les suivre va te raffermir. Et parmi les choses qui montrent leur véracité à ces messagers, c'est qu'ils ne vous demandent rien en échange. Aucun salaire, pas d'argent, rien du tout. Quand Allah subhanahu à propos de ces messagers, قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلِي مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنْ مُتَكَلِّفِينَ. Je ne vous demande aucun bien en échange. Je ne suis pas du nom des imposteurs. Car un imposteur va venir avec une image véridique, de vérité, pour pouvoir te soutenir tes biens. On en a plein des comme ça, ils te disent, aujourd'hui, on veut faire un merkez, on veut amener des savants, on veut donner des cours, on veut ouvrir une école, kaza et kaza et kaza. Ils font que soutirer de l'argent aux gens. Tout le temps en train de demander, en train de mendier. لهذا يقول النبي أو قيل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إزهد في الدنيا يحبك الله وإزهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. Qu'il a été interrogé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith également qui est discutable par rapport à son degré d'authenticité, bien que le sens est correct. Il a été interrogé par un homme qui a dit informe-moi d'une œuvre qui fera que Allah m'aimera et que les gens m'aimeront. Il a dit délaisse les biens de ce bas monde, c'est-à-dire ne t'y intéresse pas et Allah va t'aimer. Et délaisse ce que possèdent les gens et les gens vont t'aimer. Et le zord ne veut pas dire que tu ne prends aucun bien. Le zord, c'est le fait de délaisser malen farfil akhira. Tous les biens de ce bas monde qui ne t'apportent aucune utilité pour l'au-delà. Délaisse-les. Ne te soucie pas d'eux, ne t'efforce pas à vouloir les obtenir. S'ils te viennent, prends-les. Mais toi, le zord, ce n'est pas le dire comme certains font croire, de fait de vivre dans la pauvreté volontairement, de vivre avec des vêtements déchirés volontairement, de mal manger. Là, tu penses qu'il te vient, ce qui est correct. Mais toi, n'en fais pas trop pour en avoir le surplus dont tu te passes. Car ce surplus pourra t'amener justement à des déboires par la suite. Donc le hadith dit bien, en délaissant les biens de ce bas monde, c'est-à-dire de façon à ne pas les chercher à les obtenir inutilement, que Allah va t'aimer. Et si Allah t'aime, il va te raffermir. Wa qala al-Hasan al-Basri radiyallahu anhu, la tazalu kariman 'ala an-nas aw la yazalu an-nas yukrimuna kama lam tata'ata fi ma lam tata'ata ma fi aydihim. Fa idha fa'alta dhalika istakhaffu bika wa karihu hadithak wa abghaduk. Il a dit quoi al-Hasan? Que tu ne cesseras d'être honorable ou d'être honoré par les gens tant que tu ne seras pas de ceux qui veulent recevoir d'eux. Tu t'adonnes à recevoir d'eux, à leur demander, à faire en sorte de recevoir d'eux. C'est, mais tu fais cela, ils vont te mépriser et te rabaisser. Et ils vont finir par ne plus aimer parler avec toi et ils vont finir par te détester. Car tu leur demandes de leur bien à chaque fois. Et ça, c'est le cas des gens dont on parle fréquemment. Ces gens-là, que vous voyez aujourd'hui tout le temps, associations, telle école, telle merkez, qui sont tout le temps en train de... Ils ont même fait maintenant des boîtes avec le nom de leur merkez dessus pour demander aux gens. Tu regardes leur site, toujours en bas, tu as un petit coin PayPal, faites un don. Faites un don. Ils te disent, nous sommes avec les savants. Wallah, je vois aucun savant qui fait cela. Je vois pas le savant qui dit, je vois au bas de son site, qui a une case PayPal et dit, faites un don pour la da'wa. Car eux, ils vont te dire, nous, on fait pas ça pour obtenir des biens pour nous. On le fait pour la da'wa. On dit, les hadiths et les versets, ils sont généraux. Ils sont généraux. Ils disent pas da'wa ou pas da'wa. On dit, tu ne demandes pas aux gens. Tant que tu n'es pas au stade de ceux qui sont dans une situation critique. Et t'as des gens, ça, c'est devenu leur quotidien. Donc ces gens-là, tu les verras dans les fitanes. Ils sont les premiers à tomber. Regardez bien, là. Dans les fitanes qui se déroulent en religion, ils sont les premiers à tomber, les premiers maftouns. Pourquoi? Car ces gens-là sont obligés de suivre la majorité, car leur intérêt, c'est d'avoir des biens des gens. Donc, si jamais ils disent la vérité, et que cette vérité s'oppose à la majorité des gens, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont plus leur donner. Ils n'auront plus ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent. Donc, ils sont obligés de faire quoi? De se vendre. De vendre le haq pour pouvoir avoir ce qu'il y a dans les mains des gens. Et au final, ils seront détestés par tout le monde. Par Allah et même par les gens. Ils ne vont rien obtenir. Et ce n'est qu'un temps. Tu les vois aujourd'hui, tu les penses, yani victorieux, tu les penses sur un khayr, ils sont sur un char. Et ce char, s'il n'est pas déjà apparu à tes yeux, il apparaîtra plus tard, bismillah ta'ala. Et si Amin ne t'apparaîtra jamais, c'est que tu es comme eux. Wala azu billah. Qala min adil asbab kadhalik ar-rujou' ila ahli al-'ilm fi ma ashkala. Le fait de revenir vers les gens de science, parce qu'ils posent problème. Comme encore le Ta'ala, fasse elou el zikr in kuntum la ta'alamoun. Et demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Qui le retour vers les savants. Faise ja'ahum, ou ise ja'ahum, amrun min el amn, ou il khouf aza'u bih, ou la rudduhu il rasoul, ou il est ou l'amr minuhum, la alimou les nestan batunahum minhum. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Que si jamais une nouvelle apaisante ou alarmante leur parvient, ils la diffusent automatiquement. Et que si jamais ils l'avaient envoyé vers le messager et vers les détenteurs du pouvoir, ceux qui ont le savoir auraient pu en déduire le comportement à avoir. Est-ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas? Et si n'avait été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, vous auriez tous vu Shaitan à part peu d'entre vous. Comment? Du fait que vous avez devancé les savants en agissant sans revenir vers eux. Quand le subhana, « وَتِلْكَ الْأَمْثَلِ نَدْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَلَا يَعْقِلُهَا أَوْ مَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَلِمُونَ » Que ces exemples, nous les donnons aux gens et seuls les savants les comprennent. Combien de choses on voit dans des hadiths, dans des versets qu'on ne comprend pas et qu'on interprète avec notre compréhension à nous, ce qui nous amène à tomber dans l'erreur. Dans la bida, peut-être même dans pire que cela, voilà, Zubillah. Donc revenir aux savants est une chose qui va te raffermir, ta religion est éclairée. Ça revient au point précédent qu'on a tout à l'heure. Déjà, le ilm, la science, et également de connaître les voies du bien et du mal pour les éviter. Et regardez bien, quand on dit savant, le jour de science n'est pas n'importe qui. Quand aujourd'hui, tout le monde reçoit des éloges de tout le monde. Il n'y a plus de distinction. Dans ce hadith de cet homme qui a tué 99 personnes, il a demandé à un homme savant pour pouvoir faire sa tauba. Fadullah ala rahib. On lui a montré un moine qui était connu pour être un dévot, mais ce n'est pas un savant. C'est un homme qui faisait beaucoup d'adoration, mais ce n'est pas un savant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a informé qu'il a tué 99 personnes. Hello min tauba. Est-ce qu'il a une tauba? Il lui a dit non, tu n'as pas de tauba. Qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a tué. Cet homme a tué ce moine. Son ignorance a été la cause de sa perte. Et regardez pourtant les gens, et quand il a demandé aux gens, un yadullahu ala alam al-nas, il a demandé aux gens, parce que lui ne connaissait pas qui était le savant, qui n'était pas. Les gens l'ont indiqué vers ce moine. C'est vous que ce n'est pas ce que les gens te disent qui est forcément vrai. Ce n'est pas dès que les gens te disent, cheikh un tel, ça veut dire que c'est lui, réellement, qui mérite d'être une référence pour toi. Mais les savants connaissent le savant. Et même à travers le savant, tu le connaîtras par rapport à la vérité. Comme on dit, on ne connaît pas la vérité par les hommes, mais on connaît les hommes par la vérité. Combien on voit de tesquets de savants pour d'autres personnes qui n'en valent pas la peine? يقول من هذه الأسباب البعد عن الفتن والاستعاذة منها. Le fait de s'éloigner des fitan, des troubles, et d'en chercher refuge. Et cela rejoint au point qu'on a pris tout à l'heure, qui est le fait de connaître les voies de l'égarement. Et là, quand on dit s'éloigner des fitan, c'est il faut que tu les connaisses pour savoir quels sont les fitan. ثم قال من هذه الأسباب النص والتواصي به. Le fait de prodiguer le conseil et de s'en joindre dans le bien. Et ça revient sur l'autre l'as qu'on a pris tout à l'heure. Et ce conseil amène à l'amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, qui est le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Cela va avec. Comme a dit Allah Ta'ala, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Lorsqu'ils ont oublié ce qui leur a été rappelé, nous avons sauvé qui? Ceux qui ont interdit le mal. C'est-à-dire ceux qui ont conseillé et ceux qui ont appelé les gens au bien, ils ont été préservés. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا. Nous avons pris ceux qui ont été injustes d'un châtiment avilissant pour la perversion qu'ils ont accomplie, qu'ils ont commise. Et cette préservation peut-être par quoi? Le fait qu'il ait évité des fitnes et qu'il était affermi dans sa religion. Et pour finir, parmi les points que le Shir a cités, il y a un rifq bil nefs wal ghayr, le fait d'être doux envers soi-même et avec les autres. Et cela revient justement à éviter le rouleau, l'exagération en religion. D'en faire trop sur soi-même ou de vouloir en faire trop aux autres, dans ce que Allah n'a pas rendu légiférer. Comme a dit Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, que Allah n'impose pas à une âme si ce n'est qu'elle peut supporter. Wa qala subhana wa taqullaha mastata'tum, et craignez Allah comme vous le pouvez. Yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra, que Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Wa kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an Abdullah ibn Mas'ud qala halaka al-mutanatti'un, que ceux qui en font trop, qui exagèrent, finissent par périr. Ça veut dire ils tombent. Wa an Abi Hurayra an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala إِنَّ الْدِينَ يُسْرُ وَلَنْ يُشَدَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ, que la religion elle est facile et que personne ne va justement vouloir en faire trop en religion sans qu'il ne finisse par justement se faire vaincre. C'est-à-dire, il finit par tomber. Quand tu en fais trop, tu finis par tout abandonner au final. Tu finis par tout abandonner au final. Déjà, fait hadith à Aïcha. Anan Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qala, alaykum bima tutikun. Faites ce que vous pouvez supporter. Fa wallahi, la yamalullahu hatta tamillu. Que Allah ne se lasse pas tant que vous ne vous lassez pas vous-même. Et tu es abandonné. Car tu en as fait trop au début. Tu n'as pas pu suivre le rythme. Résultat, tu étais abandonné. Wa qala, wa kana ahab ad-din ilayhi ma dama ali sahibo. Que la meilleure des religions pour Allah Azza wa Jal est celle sur laquelle perdure la personne. Et dans une version, wa ahab el amal ou amal l'Allah adwamu wa inqalla. Que les meilleures œuvres auprès d'Allah, c'est celle qui perdure même si elle est légère. Même si c'est pas beaucoup, tu le fais en continu, Allah il aime cela. Donc tu es doux envers toi-même. Fais ce que tu peux supporter. Et les gens qui veulent t'imposer des choses en religion qui sont inutiles et qui n'ont pas été légiférées pour toi et que ils veulent en faire trop, ils finissent par dévier. Mais maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut non plus être amoli et délaisser ce qui est obligatoire ou autre. On parle là d'en faire trop. C'est-à-dire de dépasser les limites de la religion. Car il y a des gens, lorsqu'on leur dit que telle chose c'est haram, ils disent vous avez de la dureté, vous êtes trop dur. On dit non. Ce qu'on dit là, c'est vrai. C'est la religion, on appelle à cela. Donc il faut que les gens ils ont un mizan correct lorsqu'ils parlent dans les choses. Ce qui revient au premier point au début quand on parlait, qui est le ilm. Il faut que tu aies un mizan correct, une bonne balance pour pouvoir poser les choses. Quand on dit cette chose elle est haram, ce n'est pas par roulou, c'est qu'il y a un dalil qui dit que cette chose elle est haram. Donc ne la fais pas. On dit telle chose elle est obligatoire, ce n'est pas par roulou, par exagération, c'est qu'il y a une preuve qui dit que cette chose elle est obligatoire. Donc bien distinguer les points. Et ne pas tomber justement entre les deux extrêmes, qui est un le rouleau, l'exagération, et l'autre le tamir, qui est le laxisme dans la religion. Mais le juste milieu. Le juste milieu, toujours en religion, le juste milieu. Et après, chacun en mesure de sa force. Certains peuvent faire beaucoup, et d'autres moins. Ouah, Kaza. Mais tu continues, fais ce qui pourra perdurer avec toi par la suite, sans que tu aies à interrompre. Naam. Donc, voici certaines causes que le shir a citées ici. Allah yuwaffiqana bil amal biha. Wa yusabbitana fi dinina. وأن يعفو عنا ما قد مضى وما سيأتي من ذنوبنا وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك